prendre la place qui se libère, je m'arrête. Avant la voiture bleue, réponse A. Après la voiture bleue, réponse B.